ok. Yo, yo, yo, et yo, moi je roule ma bosse, à bord du PS en poche, hein. Yo, yo, yo, yeah, yeah, yo, et yo, moi je roule ma bosse, à bord du PS en poche, pose un texte en poche, croche noir ou blanche, mes rimes je bosse. La fille à manche les vaillants, mon équipe kick également. Restons forts, la mort foudroie les corps, la faucheuse ne joue que des tics et gagnants. J'crise, j'gratte ma peine, perdu sur des feuilles, grande gueule sous tis, pourtant triste et seul. Le vice embarque les miens, se réjouit du festin. Business, armes, drogue et pulsion, tout est noir à l'horizon du destin. J'crois pas que les sous m'élèvent, ça y est, le mic touche mes lèvres, trop de rage sous mes lettres, le maître est passé sous les lèvres, hein. J'crève, chaque jour un peu plus, affûte mes buts, j'marque mon territoire, mon point de chute. Baisse les langues de pute, loin des lâches, des rustres, allez, j'vais le dire deux fois. Ceux qui parlent le plus ont souvent fait pire que moi, loin des lâches, des rustres, bah ouais, j'vais le dire deux fois. Ceux qui parlent le plus ont souvent fait pire que moi. J'parle de peine, de vie, d'amour, de mort, pour chaque pays, chaque ville, chaque fleuve, chaque port. J'rappe nos lésions, nos parts de manque, pour chaque frontière, chaque région, état et département. J'parle de peine, de vie, d'amour, de mort, pour chaque pays, chaque ville, chaque fleuve, chaque port. J'rappe nos lésions, nos parts de manque, pour chaque frontière, chaque région, état et département. Ils veulent la gloire, le cash, les femmes, rien d'innovant, perdus sont leurs fans devant leur scène, voir des gosses de 9 ans. J'rappe réel pour mes frères, décris la vérité, nos vies ne sont pas fictives. J'pique rap sans distrib, j'lâche des mots que j'crache. Mon cœur subit quand ma tête se fâche, mes frères vendent du hash, mâche des produits trash. J'arrache le mic rempli des pages, il me faut une bombe à fat les trash, la force d'un apache pour pas finir barge. Nos vies sont fraîches, j'rappe ma vision ferme au brasier. Loin de leur fiction, de leur diction, de leur vie sont bragées. La tête solo, nos peines sont noyées, dur d'être deux, nos pères sont broyés. On se démerde, c'est pas nos pères qui payent nos loyers. J'représente mes gars d'en part en part, t'es car en part. Même si j'me barre de part en part, j'écoute-moi quand mes parents me parlent. Relève la tête, la mort ne fait pas de cadeau fils. Ici pas rechercher la lumière, gars, c'est ça nos vies. J'parle de peine, de vie, d'amour, de mort, pour chaque pays, chaque ville, chaque fleuve, chaque port. J'rappe nos lésions, nos parts de manque, pour chaque frontière, chaque région, état et département. J'parle de peine, de vie, d'amour, de mort, pour chaque pays, chaque ville, chaque fleuve, chaque port. J'rappe nos lésions, nos parts de manque, pour chaque frontière, chaque région, état et département.